pas besoin d'acolyte. Pas de nouveau pote, j'cours après l'escalade. J'cours, j'cours pas après les gens. Ska, ska, ska, scarabée. J'n'achève, tu me reverras pas. J'n'achève, tu me reverras pas. Mon pote, hein. J'n'achève, tu me reverras pas. J'n'achève, tu me reverras pas. C'est là qu'on vendait la dope dans ma zone, c'était le zoo. Dans ma zone, c'était le zoo. Loin du quartier, je les entends crier. J'ai mes lunettes quartier posées sur le nez. Je te dis bienvenue dans ma zone. Ta morale tira l'affaire à d'autres. Dans la ville, dans la zone, rien que tu fuck top, top. En tête chasse d'un joli jackpot. Le bigo sonne sûrement pour demander de la dope, dope. Mais non, y'a les méchants sur mes côtes, côtes. Dans la vie, j'marche et j'les entends. Lumière, j'suis dedans, j'écoute pas les gens. Que j'ta balèze comme un coussin. Si mes c'est faire, j'vais la casser. J'les entends crier, crier. J'les entends crier, crier. J'te dis bienvenue dans ma zone. C'est là qu'on vendait la dope. Vendait la dope. Dans ma zone c'était le zoo. Dans ma zone c'était le zoo. Loin du quartier, je les entends crier. J'ai mes lunettes quartier posées sur le nez. Je te dis bienvenue dans ma zone. Ta morale tira l'affaire à d'autres.